L'affirmation de soi. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'affirmation de soi va être abordée avec un scénario et des personnages. Cette mise en scène va être l'occasion de traiter autrement de certains principes supramentaux. Elle va servir à porter particulièrement attention à la présence de l'énergie astrale et mentale derrière les paroles et les actions des personnages. L'individu X se plaint à un individu Y qu'une personne Z lui gruge de l'énergie à chaque fois qu'elle parle avec elle au téléphone. Elle lui dit que ces échanges téléphoniques l'empêchent ensuite de dormir parce que la personne Z la déstabilise, constamment avec une vibration astrale qui est lourde. Elle amène l'individu X à réagir émotivement lorsque la personne Z passe son temps à se plaindre, faire de la médisance et à se complaire dans le rôle de la victime par rapport à son couple. La personne Y demande à la personne X qui discute avec elle si elle est intéressée à présent à arrêter de parler à la personne Z qui abaisse sa vibration régulièrement. La personne X ne répond pas. Puis, sous l'influence d'une vibration astrale colorée et lourde, elle lui dit que c'est une bonne personne, celle Z, et se justifie de continuer à l'écouter parce qu'elle se sentirait coupable de ne pas agir autrement et de la laisser seule parce qu'elle la trouve vulnérable. Elle croit la personne Z dans son rôle de victime et elle croit qu'elle l'aide en l'écoutant passivement au téléphone se plaindre constamment. Donc, elle a des résistances à répondre à l'interrogation de l'individu Y. Ce dernier revient à la charge et lui demande de répondre à la question à savoir si elle est intéressée ou non à écouter la personne Z se plaindre. Elle répond non en hésitant. La personne X est alors tiraillée entre la vibration astrale et mentale qui sont présentes dans sa psyché. La personne Y lui repose la question avec insistance. Et la personne X répond cette fois-ci « non », avec une vibration mentale qui se manifeste en elle clairement. La personne X a un regain d'énergie très fort qui se manifeste en elle. Elle est alors en harmonie avec le plan mental plutôt que celui astral. Son état vibratoire vient de changer. Elle est branchée à sa source et elle a accès à une énergie haute en vibration. La transparence de l'ego s'est manifestée lorsqu'elle a dit non d'une manière franche au lieu d'esquiver la question comme elle l'avait fait au début. À présent, elle ose être transparente envers elle-même. Par la suite, la personne Y demande à la personne X ce qu'elle va faire la prochaine fois que la personne Z va la téléphoner. Elle répond qu'elle va lui demander de ne plus la contacter de nouveau. La personne X rajoute qu'il lui vient en tête à présent l'idée de proposer à la personne Z de parler de ses problèmes de couple à une travailleuse sociale ou un psychologue qui sont accessibles gratuitement au Québec de par les centres de santé et de services sociaux, CLSC. Ce sont des ressources gouvernementales présentes à la grandeur du territoire québécois. Comme cela, la personne X ne se sentira pas coupable de laisser la personne Z sans personne pour l'écouter ensuite. Ainsi, elle va se libérer de l'émotion de la culpabilité qui la liait au plan astral, qui abaissait sa vibration et qui l'empêchait d'agir autrement. Comme la personne X a eu au préalable de l'hésitation dans la voix, lorsqu'elle a répondu à l'origine à la question de la personne Y, parce qu'elle ressentait une vibration astrale, cette dernière lui propose qu'elle la recontacte de nouveau après son prochain téléphone avec la personne Z pour faire un suivi. Cela va être dans l'optique de savoir si elle va être capable ou non de passer outre la culpabilité vibration astrale, pour s'affirmer et dire à la personne Z qu'elle ne veut plus l'entendre parler de nouveau au téléphone après sa prochaine discussion téléphonique avec elle. Est-ce que c'est la vibration mentale ou astrale qui va prévaloir et dicter le comportement de la personne X avec la personne Z à l'avenir? Voilà l'enjeu vibratoire de la situation. La personne Y explique à la personne X que chacune des pensées et actions est liée à un niveau vibratoire, soit astral ou mental, comme il sait que la personne X dispose de la sensibilité requise pour les percevoir. Il lui fait remarquer la présence de la vibration astrale et mentale derrière certains des propos échangés dans les dernières minutes et le changement vibratoire qui s'est passé en elle pour qu'elle cerne mieux ce qui arrive. Cela lui permet de voir plus clair par rapport à la situation. Quelques jours après, la personne X recontacte la personne Y pour faire un suivi. Elle lui dit qu'elle a été capable de dire à la personne Z qu'elle n'est plus intéressée à lui parler. Elle s'est libérée d'un poids de négativité et d'énergie astrale en n'acceptant plus d'écouter la personne Z se plaindre avec complaisance. Cela lui donnait de l'attention et la nourrissait dans son mouvement d'expression astrale. À présent, la personne Z a été voir une travailleuse sociale pour lui parler de ses problèmes de couple. De plus, la personne X dit qu'elle a plus d'énergie, retrouvé son sommeil, présente plus de paix dans le mental et une plus grande capacité d'affirmation de soi aujourd'hui. Elle ressort grandie de la situation. La personne X choisit consciemment, maintenant, de discuter avec des gens qui élèvent sa vibration plutôt que la baissent. Elle a réalisé à travers cette situation auquel elle a été confrontée qu'il y a des conversations qui donnent de l'énergie et d'autres qui en enlèvent. La conversation qu'elle a eue avec la personne Z lui enlève de l'énergie, alors que celle avec la personne Y lui en donne. Elle est devenue plus sensible à la perception de la nature vibratoire derrière les paroles et les agissements pour ressentir s'ils sont en relation avec le plan astral ou mental. À présent, elle est capable de faire respecter son territoire psychique pour se maintenir dans une vibration qui est haute. Elle est maintenant capable de mettre fin à une conversation avec n'importe qui et elle n'a plus besoin de la personne Y pour l'accompagner, pour l'aider à développer cette capacité. Voilà ce qui termine à présent la lecture du texte se rapportant à l'affirmation de soi que vous pouvez retrouver sur le site web qui figure en bas de cet enregistrement vidéo.